Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Voici le retour du cyborg venu du futur. Après les événements dramatiques survenus dans le dernier numéro de Terminator, l'histoire se poursuit avec le leader charismatique de la révolution, John Connor, âgé de 30 ans, et sa fiancée Kate Brewster. Ces derniers ont décidé de créer une organisation regroupant les derniers survivants pour combattre l'armée des cyborgs qui est en train d'être réformée par Skynet. Mais l'un des survivants est en fait un traître déguisé qui a un secret que personne n'aurait pu suspecter. Toi et moi, nous étions déjà en guerre avant même notre naissance. Je savais que ça arriverait. Je pensais connaître notre ennemi. Mais je ne sais pas si nous pouvons gagner cette guerre. Les machines nous surpassent en nombre, et nous avons tous tellement perdu. Mais ce n'est pas le futur contre lequel ma mère m'avait mis en garde. Qui êtes-vous ? John Connor ! Quelque chose a changé. Si on continue, on est mort ! On est tous morts ! Terminator Renaissance avec Christian Bale, un DVD Sony SPHE.